Toujours à l'occasion du 53e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti Travail de Corée, le comité central du Parti communiste du Népal uni a publié une déclaration et le secrétaire du comité régional de Yangon du Parti pour le développement de solidarité de l'Union de Myanmar, une communication.